Le hussard sur le toit, de Jean Giono. Onzième épisode. Devant une barricade dressée par les soldats, Angelo rencontre à nouveau la jeune femme qu'il a hébergée et réconfortée lors de son séjour sur les toits de Manosque. Ils font route ensemble à travers l'épidémie de choléra. La forêt était tiède et très claire malgré le temps couvert qui avait l'air de tourner résolument à la pluie. Quelques bouffées de vent étaient déjà humides. Les pins, très hauts et largement espacés, laissaient libre un vaste sous-bois. Ils arrivèrent à une lisière qui surplombait un vallon plein d'une terre rouge et des alignements d'un assez grand vignoble. Deux files de fumée sortaient respectivement de la cheminée de la maison de maître et de celle des bâtiments de la ferme. Là, les gens étaient vivants. Et vous, bougez plus, ou je vous farcis de plomb. Je vous ai dit de pas bouger. Ne faites pas le méchant. Nous ne sommes pas venus vous faire du mal. Nous voudrions simplement de l'eau. Nous ne voulons pas qu'on approche notre eau. On ne demande rien à personne. Qu'on ne nous demande rien. Ceci me paraît trop compliqué pour vous. Mais je ne tiens pas à vous donner un surplus de frousse à vous et à votre maison. Y a-t-il dans les parages une autre fontaine que celle-ci? Allez au village! Alors permettez. Je ne vais jamais au diable quand on veut m'y envoyer. Faites-moi passer, s'il vous plaît, la casserole qui est attachée sur votre bagage. J'ai encore un pistolet chargé. Ce n'est pas nécessaire. Je n'ai aucun intérêt à m'approcher de votre eau. Mais madame veut boire et moi aussi. Si vous avez deux liards de bon sens, voilà ce que vous allez faire. Allez remplir une cruche à votre fontaine. Et au canon, je vous prie, pas dans le bassin. Et venez la vider vous-même dans cette casserole. Puisque vous préférez me servir de domestique. Les grands airs, vous savez, nous allons souper. Qui, nous ? Maintenant, posez votre fusil à terre et reculez de 10 pas pendant que nous faisons demi-tour. Je ne tirerai pas. Allez-vous-en. Ils trouvèrent au milieu du vignoble un chemin communal qui s'en allait vers des vallons fourrés et étroits. Ils firent route de ce côté jusqu'au moment où ils pensèrent être sortis du domaine. Ils étaient à l'entrée d'un vallon dans lequel le chemin descendait. Ils allumèrent du feu contre un talus. Ils purent enfin boire et manger. Un cavalier. Un dragon. Sans aucun doute. Ne bougeons pas. Il est seul et je le vaux bien. C'était même un capitaine. Et il est passé sans saluer. Comme il fait sombre. Il va pleuvoir. Pas une feuille ne bouge. Puis-je fumer un cigare ? Si vous avez sommeil, vous pouvez dormir. Je monterai la garde. Sinon, il faudrait peut-être tenir un petit conseil de guerre. Sommes-nous sur la bonne route ? Où sommes-nous d'abord ? Je ne sais pas. Nous verrons au prochain village. Vous aviez un plan ? D'abord celui de partir, et c'est fait. Ensuite, comme je vous l'ai dit, celui d'aller me réfugier chez ma belle-sœur, à Théus, près de Gap. J'ai compris qu'il ne fallait pas prendre la grande route à cause des contrôles. J'ai passé une fois par les montagnes de ce côté-ci avec mon mari. J'y suis revenue instinctivement. Je peux vous accompagner jusqu'à Théus, puisque c'est ma route. Et je crois qu'il vaut mieux. Il faudra cependant que nous trouvions un endroit qui s'appelle Sainte-Colombe. J'y ai rendez-vous avec mon frère Delay et sa femme, qui sont restés à Manosque. Ils doivent me rejoindre. Nous serons quatre, et à partir de ce moment-là, les ennuis seront finis. Vous me jugez mal à cause du coup de pistolet. Je suis si loin de vous juger mal que je voudrais votre pistolet pour le recharger. Je vais le faire moi-même. J'aime être sûre de mes coups. Cette charge va donner un fameux recul. Une fameuse giclée aussi. Quand mon poignet me fera mal, la balle sera déjà partie à son adresse. Ils levèrent le camp et entrèrent dans le vallon. La route descendait en pente douce. Ils débouchèrent dans une lande couverte de genévriers blêmes. Le cheval de ce dragon qui nous a dépassé tout à l'heure. Se faire fausser compagnie pour un officier, ce n'est pas fort. Et voilà l'officier, au milieu de la route. Il a le visage déjà noir. Plus question de lui porter secours. La lande devait avoir 3 ou 4 lieues dans le sens où il la traversait. Du haut des chevaux, il dominait la végétation basse. Il pouvait voir très loin sans apercevoir autre chose que cette désolation grise. Ici, ils étaient à l'abri. Venez, nous allons faire reposer les chevaux. Comment appelez-vous le vôtre ? Je ne sais pas, je l'ai volé. J'ai d'abord voulu l'acheter, mais on me mettait le couteau sur la gorge. L'avez-vous réellement volé à main armée, comme je l'ai fait cet été sur la grande route ? Non, j'ai fait sauter un cadenas. Je suis allée le pêcher de nuit dans l'écurie où on me l'avait montré. Vous avez bien choisi. C'est sans doute un demi-sang. On voit tout de suite qu'il a une grande sûreté dans les jambes. Je l'ai vu du premier coup d'œil. Ensuite, il m'a plus été possible de résister à l'envie de l'avoir. Je n'ai mis mes pistolets sous le nez de personne, parce qu'il n'y avait personne pour le garder, mais je l'aurais fait. J'avais un besoin fou de partir. Pas ce qu'on appelle me tirer d'affaire, mais bondir, sauter par-dessus les obstacles, les barricades, les cadavres, filer dans les Alpes de bon en bon. Le choléra me fait peur. Je n'aimerais pas mourir de cette façon-là. Moi non plus. C'est trop bête. Quelque chose qu'on ne connaît même pas vous attrape par les oreilles comme un lapin dans un clapier. Vous flanque un bon coup sur la nuque et vous êtes cuit. Il n'y a pas moyen de se dorer la pilule. Ajoutez que c'est le sort commun et nous voilà prêts pour bien des choses. Attention! Quelqu'un! C'est un paysan. Un vagabond. Bonjour, messieurs, dames. Vous permettez que je fasse la pause à côté de deux chrétiens vivants? Un brave homme. Ça a l'air d'avoir été secoué par ici. Ah, il faut se tenir aux branches, monsieur. C'est le seul moyen. Comment s'appelle cet endroit? Ici, c'est Villette, madame. Qu'est-ce qui est arrivé aux habitants de ces maisons? Oh, ils sont partis, monsieur. Et de deux côtés différents. Les volets verts, là, c'était à Jules. Oui, il a passé l'arme à gauche il y a plus d'un mois. Et les autres n'ont pas voulu rester en présence, c'est compréhensible. Hein? Ah, s'ils m'avaient écouté, j'aurais donné le moyen, moi. Le moyen de quoi? Eh bien, le moyen de passer au travers, pardi. Si vous connaissez ce moyen-là, vous ferez fortune. Je ne fais pas précisément fortune, mais je gagne ma vie. Vous vendez votre... truc? Mais dame, hein. Vous ne voudriez pas que je le donne, non? Je le vends pas cher, hein, c'est un fait. Un petit écu de 3 francs, hein. Est-ce que ça compte quand on a le feu au cul? Parce que parfois j'en donne, hein, il y a des cas. Mais je remarque que dans ces cas-là, ça fait guère d'effet. Il faut payer, alors là, ça opère, et recta, hein. Et j'en ai déjà sauvé des mille et des cents. Avec quoi? Eh bien, avec ce qui est ici dans mon sac, madame. Ce sont des plantes. Hein? Eh oui. Je vais les chercher loin, hein. Juste des souliers, vous savez. Il n'y en a pas état, hein. Il faut avoir l'œil. Si vous vouliez les trouver, vous pourriez toujours courir. Mais moi, je sais des tas de choses, vous comprenez? J'en fais profiter mes contemporains. Dites, vous avez là de belles bêtes, hein? Vous ne voudriez pas m'en vendre une? J'ai des sous. Hein. Non, mon vieux. C'est notre tisane à nous. Ah, j'avoue qu'elle compte, hein. Et où vous allez, hein? Est-ce que vous connaissez bien le pays? Ah, comme ma poche, madame. Il n'y a pas un buisson dont je n'ai fait 3 fois le tour. Pas rien. Où va ce chemin? Par là, monsieur, vous allez à Saint-Cyris. Mais c'est pas gai, hein? Et de l'autre côté? De l'autre côté, il y aurait peut-être un peu moins de démêlés. Vous avez Sorbier, Flachère, et puis Montferrand, avant de tomber sur la grande route. Hein, la grande route de quoi? Eh bien, la grande route de tout. On va où on veut. Est-ce qu'elle ne passe pas par Chauvac ou Roussieux? Ah, Chauvac, ça, alors c'est loin, hein. S'il faisait beau, vous verriez là-bas une montagne, vous voyez. Ça s'appelle Charouille. Et Chauvac, c'est juste derrière. Et Sainte-Colombe, vous connaissez? Eh, c'est du côté de Chauvac. Mais c'est pas un endroit bien fameux, hein. On doit pouvoir vous parler franchement. Ça dépend. En principe, ça ne tue pas. Hein? J'achète 5 paquets de tisane, j'ajoute un écuron, et ça fait un louis que je jette à vos pieds si vous craignez la contagion. Oh, j'ai mon remède. Et un louis n'a jamais donné le choléra à personne. Allez-y, mais ne me demandez pas le Pérou. Hein? Que font les soldats par ici? Là, vous avez mis dans le mille. Ils embêtent le pauvre monde, voilà. Il me semble qu'il y en a partout. Je vais vous en donner pour votre argent. Du côté de Chauvac, où vous allez? C'est farci de dragons parce que c'est la grande route. Il y a du Pékin en quantité. On les passe au crible. Ça va chercher dans les 15 jours de quarantaine à l'école des frères, hein, qu'on a transformé en hôpital. Maintenant, si vous avez du comptant, vous courez deux risques. Primo, ils vous tabassent pour preuve que vous avez essayé de leur graisser la patte. Et secondement, ils vous ratiboisent le pécule qu'ils appellent confiscation. Alors, étant donné qu'ils vous rendent tout à la sortie, ils ont intérêt à ce que vous sortiez les pieds devant. Et ça arrive. Il n'y a qu'à éviter la ville. Comme vous dites, mais c'est là qu'il va falloir que vous ajoutiez un écu de 5 francs. Si ça vaut la peine. Je le pense. Écoutez voir. Si vous attendez d'être sur Chauvac pour prendre la tangente, c'est trop tard. Ils sont malins, vous savez. Ils ont des chevaux à 6 pattes qui grimpent partout comme des mouches. Et n'essayez pas de leur damer le pion dans les rochers, ou vous feriez harponner en moins de 2. Ils ont bouché tous les chemins, même les plus petits. C'est là qu'il faut connaître la musique. Et pour votre écu, je vous la prends, moi. Vas-y. Mais si tu me fous dedans, je dois te prévenir que je suis italien et que je sais jeter des sorts. Voilà le truc. Quand vous lèverez le camp, vous prenez la route de Saint-Cyris. Descendez tant que vous ne voyez pas le clocher. Là, alto falo, hein. Devant, c'est mauvais. Un coin pour passer l'arme à gauche. Il y en avait encore 6 hier soir. Mais à votre droite, vous avez un petit chemin de terre qui vous mènera à Bayonne. Vous arrivez par le lavoir, mais vous n'entrez pas dans le patelin. Hein. Vous prenez à gauche et vous marchez droit. Là, c'est France dans une paille jusqu'à Monger. À Monger, vous y serez ce soir. Vous attendez le matin pour voir que vous êtes carrément au pied de Charrouille. Vous remontez le torrent par le sentier jusqu'au sommet. Et à partir de là, un enfant de 4 ans, il comprend ce qu'il a à faire pour éviter la ville qu'il a déjà laissée loin sur sa gauche. Et voilà le travail. Ils suivirent les indications de point en point. Grâce à elles, ils contournèrent à bonne distance le village de Saint-Cyris, où régnait un silence significatif. Sans les indications de ce marchand de moutarde, nous serions sûrement allés nous perdre dans ce charmant lieu de repos. Moi, je me serais méfié des oiseaux. Ils ont pris possession de l'endroit. Regardez ces balcons qui en sont chargés. Ce ne sont pas des lessives noires qui pendent à ces fils, mais des corbeaux. Comme celui qui s'est jeté sur moi quand il a cru que j'avais enfin consenti à mourir. Jusqu'à Bayonne, ils traversèrent un pays désert. Ils contournaient une succession de petites collines toutes plus gentilles les unes que les autres. Ils arrivèrent à Monget sur le pas de la nuit. Quelques grosses gouttes de pluie commençaient à claquer, ils étaient fatigués. Le village semblait sain et bien tenu. On logeait à pied et à cheval juste à l'entrée. Ici, personne ne meurt, sauf des vieux comme d'habitude. La contagion, c'est de la blague. Évidemment, il y a toujours des gens qui ont peur et ça gêne un peu le commerce. Mais de ce côté-ci de la montagne, il n'y a rien à craindre. Et j'ai des chambres très propres. Nous en reparlerons tout à l'heure. Montrez-moi votre écurie. Versez là-dedans 2 boisseaux d'avoine sèche et apportez 8 bottes de paille. 5 pour les chevaux et 3 pour moi. Vous n'êtes pas gentil. Vous avez l'air de croire que quelqu'un va s'intéresser à vos chevaux. Peut-être même avez-vous des doutes sur moi? Il vaudrait mieux le dire carrément. Je viens de te parler assez clair. Fais ce que je te dis, puisque je te paierai pour ce que tu feras. Je crois ce que je veux, je fais ce que je veux. Et quand je voudrais changer d'avis, je ne te demanderai pas la permission. Maintenant, recule-toi. Et écoute si tu veux gagner ta croûte comme tout le monde. Vous êtes peut-être un sous-préfet? C'est dans le domaine des choses possibles. Aussi, mes 2 poulets à la broche et 12 œufs à la coque pour attendre. Vous n'y allez pas de main morte. Tout ça va aller chercher très cher. La solde d'un sous-préfet est de taille à tout supporter. Que fait la jeune dame là-haut? Est-ce qu'on la soigne? Oui. C'est vous qui lui avez payé sa grosse bague? Oui, c'est moi. Oh, vous êtes gentil. Je suis extrêmement gentil, surtout quand on me rend service. Est-ce qu'il y a le choléra par ici? Pas trop. Pas trop? C'est combien? 2. Quand? Il y a 8 jours. Faites-moi une commission. Voilà 6 francs. Allez à l'épicerie et achetez-moi 5 kilos de farine de maïs, 2 sous de sel et 1 franc de cassonade. Vous mettrez tout ça sous ma selle, là, dans la paille. Je me charge des bagages. Bien, monsieur. Vous n'avez pas froid? Pas le moins du monde. Votre bagage. Je vais faire l'apportin. Avez-vous dans vos sacoches des bas de laine? Ah, je n'ai jamais mis de bas de laine de ma vie. Il n'est pas trop tard pour commencer. Il doit y en avoir chez l'épicier. Mais en attendant, mettez ceux-ci qui sont à moi. Ils sont 10 fois trop grands pour vous, mais l'important, c'est d'avoir très chaud aux pieds. On ne peut guère résister à une galanterie aussi bien intentionnée. Tenez-moi ces jarretières. Je vais passer vos bas. Mais vous-même, avez-vous pris des précautions? Il y a 5 mois que je me promène dans cette saleté. J'ai gagné toutes sortes de galons. Et la contagion me craint comme la peste. J'ai fait acheter de la farine de maïs. Nous ferons de la polenta, comme en Piémont. Il faut être nourri solidement. Les étapes de montagne seront pénibles. Vous allez m'excuser? Mais il faut absolument que je vous parle comme un cavalier de 2e classe. Vous montez à califourchon. N'êtes-vous pas écorché ou blessé? Je suis étonnée de cette tendresse, si sûre d'elle-même, que vous avez pour tout le monde, moi comprise. Rassurez-vous, je peux faire des étapes comme aujourd'hui à la file, sans être autre chose que fatiguée. Ce que je suis. J'ai une grande pratique du cheval depuis mon enfance. Mon père était médecin de campagne et je l'accompagnais dans ses tournées. Pour des raisons qu'il serait trop long de vous expliquer, j'ai monté de plus belle depuis mon mariage. Je suis d'ailleurs très bien équipée. Vraiment? Je n'aurai plus rien à vous cacher quand vous saurez que je porte des culottes de cuir sous ma jupe. Bravo! Je ne vois pas pourquoi nous ne sommes pas camarades, du fait que vous êtes une femme et moi un homme. Je vous avoue qu'à plusieurs reprises aujourd'hui, j'ai été gêné. Tenez, ce matin, quand je vous ai trouvé le pistolet à la main, j'étais tenté de vous taper sur l'épaule comme je le fais à Giuseppe et même à Lavinia, quand c'est nécessaire. Je me suis retenu et c'est dommage. Car parfois, dans les moments critiques, ça en dit plus que tous les mots. Qui est Lavinia? La femme de mon frère de lait, Giuseppe. Elle servait ma mère en Italie. Elle a accompagné Giuseppe quand il a dû s'exiler. Un peu après que j'en sois réduit à la même extrémité. Ensuite, ils se sont mariés. Mais quand elle avait 10 ou 12 ans, je la vois encore en train d'assouplir avec du talc les culottes de cuir que ma mère, comme vous, mettait sous ses jupes pour aller à notre terre de Granta. Granta. C'est un pays de forêt, avec des arbres géants, blancs comme du marbre. Des feuillages semblent faire leur propre soleil. Des avenues s'en vont tranquillement de tous les côtés, entre des colonnes, sous des arches blanches comme la neige. Ça doit être très beau. Oui, entrez. Voilà vos poulets et vos œufs. Posez-les sur la table, nous nous servirons. Ce soir, vous allez vous reposer dans un lit. Moi, je ne quitte pas les chevaux et les bagages. On aurait vite fait de nous renier les ailes. Demain, dès que nous aurons rejoint mon frère Delay et sa femme, nous pouvons passer sur le corps de tous les brigands du monde. Giuseppe est un lion, et la Vigna se ferait tuer pour son mari et pour moi. En attendant, mangez de bon appétit. Le repas terminé, Angelo fuma un petit cigare devant la porte. Il pleuvait toujours doucement. La montagne soupirait au-dessus du village. Le hussard sur le toit, de Jean Giono. C'était le 11e épisode, avec Bruno de Volder, Angelo, Maya Simon, Pauline, Jean Saudret, l'homme, Pierre Maguelon, le paysan, Gilbert Robin, l'aubergiste, Annette Pavy, la fille d'auberge, avec la voix de Pierre Vanek. Directeur du son, Jean Jusforgue, assisté de Pascal Bénard. Bruitage, Louis Amiel, assisté de Frédéric Antoine. Adaptation et réalisation, Claude Mourté, assisté de Daniel Finot.